c'est d'abord une culture. Quand on est en DevOps, on prend tout le monde. DevOps et Agile font effectivement partie de la même famille. La virtualisation applicative, c'est très bien. Aujourd'hui, ça nous prend 10 minutes et un café. Ce n'est ni être dev, ni être ops. C'est avant tout de la communication. Ce mouvement DevOps, c'est tout simplement drivé par la communauté et endorsé par les entreprises. J'ai adopté une démarche DevOps. Le développement agile. On a accéléré le déploiement. Ça amène une clarté sur le travail de... Être dans une démarche d'amélioration continue. On se retrouve face à des... Travailler naturellement ensemble, ça donne des résultats concrets. DevOps. L'objectif individuel, ça s'atteint, alors qu'une ambition, ça se partage. Et bonjour à tous et à toutes, et bienvenue au 13e numéro de DevOps. Alors aujourd'hui, nous allons parler de CI/CD. Alors très très vite, CI/CD, c'est pour Continuous Integration, Continuous Deployment ou Delivery, parce que là, on... Les deux. Les deux. Et voilà, et on en parlera. Donc comme ça, c'est un peu de teasing pour la suite. Alors, nous sommes encore en direct sur YouTube. Désolé pour le petit retard d'ailleurs. Et autour de la table, nous sommes quatre et nous avons même quelqu'un en remote cette fois. Donc voilà, on est encore en train d'expérimenter quelque chose. On va voir si ça marche. Et ben d'ailleurs, on va te laisser te présenter. Oui, bonjour, c'est Christophe. Oui, j'étais un peu absent. Moi, c'est Christophe. Je fais partie du collectif de freelance Lydra et je suis aussi animateur des Compagnons du DevOps. Super. Super. Est-ce qu'on lui fait le petit rituel pour après. Toi, c'est quoi le DevOps? On le fait après? Voilà. Allez. Bah tiens, vas-y, présente-toi. Bonjour, Victor, un des co-créateurs du podcast et participant récurrent. J'y étais la dernière fois aussi. Et depuis, j'ai changé de boîte. J'avais fait un petit teasing la dernière fois. Donc, je suis maintenant dans une boîte qui s'appelle Agorize et qui fait une plateforme de création et d'animation de challenge d'innovation. Voilà. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail parce que ce n'est pas le but. Allez sur le site web, c'est ça? Allez sur le site web agorize.com. Pub. Voilà. Okay, super. Moi, c'est Romain Soufflet. Ça fait plusieurs fois que je viens sur DevOps. J'aime bien ça, du coup, je reviens. Et moi, par contre, j'ai arrêté de me vendre comme DevOps parce que je trouvais ça trop confus pour les clients. Du coup, je dis que je m'occupe des problèmes de déploiement et de tout ce que ça peut comporter. Voilà. Ok. Bonsoir. Et moi, c'est Xavier. Et je travaille encore chez Le Bon Coin. Ah, c'est en live? Oh merde. Voilà, je suis SRE chez Le Bon Coin pour l'équipe Data Engineering. Ok, il y a un peu de teasing. Et donc, moi, Guillaume Letron, et je suis freelance. Je ne pourrais pas dire non plus sur quoi, mais bon, je bosse pas mal sur Kubernetes. C'est sûr. Voilà. Bon, pas trop, non, je bosse sur Cube, voilà, globalement. Mais bon, voilà, vous avez plus d'infos qu'à chaque fois qu'on fait des Dentons Cube. Donc, si jamais vous ne le connaissez pas, vous pouvez aller voir les Dentons Cube qui sont... des podcasts spécialement sur Kubernetes et toute son actualité et tout ce qu'on peut faire avec, des choses très bien. Mais là aujourd'hui, donc, on va parler de la CI/CD. Donc, on a un peu dit CI pour Continuous Integration. Je suis allé chercher la définition de Wikipédia parce que ça me paraît toujours être bien d'avoir les bases comme ça. Donc, l'intégration continue est un ensemble de pratiques utilisées en génie logiciel consistant à vérifier à chaque modification de code que le résultat des modifications ne produit pas de régression dans l'application développée. Le concept a été pour la première fois mentionné par Grady Bush, à mon avis, et se réfère généralement à la pratique de l'extreme programming. Le principal but de cette pratique est de détecter les problèmes d'intégration au plus tôt lors du développement. De plus, elle permet d'automatiser l'exécution des suites de tests et de voir l'évolution du développement du logiciel. Alors, sachant que je suis allé voir, cette définition-là, elle a été faite, en tout cas par Grady Bush, en 1991. Donc on voit que c'est quelque chose qui n'est pas du tout... Récent, en tout cas. À l'échelle technologique, ouais, en tout cas. Ouais, l'échelle de l'informatique. En tout cas, dans sa conceptualisation. Par contre, clairement, dans l'application, on est dans quelque chose qui date des 10 dernières années, on va dire, peut-être un peu plus, 15 dernières années. Donc voilà déjà pour la CI. Et la CD dont on va parler, c'est donc pour Continuous Deployment ou Continuous Delivery. C'est la livraison continue. La livraison continue est une approche d'ingénierie logicielle dans laquelle des équipes produisent des logiciels dans des cycles courts, ce qui permet de le mettre à disposition à n'importe quel moment. Le but est de construire, tester et diffuser un logiciel plus rapidement. Donc voilà, on a à peu près les deux étapes CI/CD. Et d'abord, en fait, j'aimerais vous demander un peu à tous quelle est pour vous votre première expérience en fait avec la CI et la CD. Donc, je sais pas, tiens, Christophe, comme t'es en En remote. En remote, c'est toi qui vas commencer. Moi, à la CI, ma première expérience, j'ai une mise il y a quelques années. C'était même plutôt de la CD à l'époque. Je ne m'occupais pas de la CI. Et plus récemment, en fait, j'ai découvert ça avec les devs. J'ai commencé à bosser dans le web vraiment tard, en fait. Et donc, ils m'ont montré ça. Et puis, comme j'étais passionné de déploiement, j'ai tout de suite pris le pas de la CI et de la CD. Et autour de la table, est-ce que vous avez... Moi, ça va être un peu cocasse, mais la première expérience que j'ai avec le déploiement, c'est me connecter en SSH sur une machine et faire un git pull. Je dois avouer que c'était pas terrible, terrible. Et en fait, en parallèle de ça, la première expérience que j'ai eue, elle a été un peu luxueuse, puisque c'était à côté de cette entreprise où je faisais un peu de contribution sur OpenStack. Et là, pour le coup, ils avaient un process qui était vraiment blindé de chez blindé. Et pour tout avouer, j'en ai jamais retrouvé des aussi bien foutus, enfin aussi complets, je vais pas dire bien foutus, je vais dire complets, dans les entreprises que j'ai traversées, même si j'ai essayé de mettre en place des choses. Donc c'est un peu étrange mon premier contact avec la CI/CD. J'arrive pas à savoir si c'est plutôt le fait de le faire manuellement dans la toute première boîte ou si je pouvais pas parler de CI/CD à cette époque-là et que ça commence avec OpenStack. J'arrive pas à savoir c'est quoi ma première expérience de CI/CD. Ouais, moi c'est un peu comme Romain, mes premières expériences d'intégration, de déploiement, c'est très très manuel. Je sais pas si on peut dire un peu comme tout le monde ici, probablement que oui. Mon premier vrai contact avec la CI, je pense que c'était, à mon avis, c'était chez Criteo, je pense. Parce que dans les boîtes où j'étais avant, c'était une toute petite boîte et on n'avait pas vraiment de process en place. Et ouais, c'était déjà un truc qui était assez industrialisé, donc c'était quand même, ça valait ce que ça valait, mais c'était quand même plutôt carré, on va dire. En ce qui me concerne, moi, ma première expérience en termes de CI/CD, je crois que je l'ai rencontrée lors d'une mission chez Figaro Classifieds. Et pour le coup, c'était plutôt assez bien huilé. C'est-à-dire qu'ils avaient déjà atteint une certaine maturité avec une interface en click button pour déployer depuis du SVN et d'autres choses et des tests. Et sinon, c'était en parallèle également chez Smile avec ce qu'on disait à l'époque, les PIC, les plateformes d'intégration continue, avant que CI devienne vraiment à la mode. Bah, en fait, oui, enfin, c'était juste une traduction française. Et d'ailleurs, moi, en fait, à la base, ma première expérience avec ça, justement, c'était que j'étais vendeur de PIC. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais développé toute une suite de tooling, notamment autour de PHP. Donc, pour le coup, c'était une plateforme d'intégration qui mêlait du Jenkins, du RedMind, des tests unit tests pour PHP, etc., etc. Et en fait, pour vous dire, donc c'était en 2009, il fallait que j'explique aux gens, donc moi qui n'étais pas du tout développeur, il fallait que j'explique aux développeurs ce qu'était un test unitaire. J'étais là pour leur dire quels sont les tests unitaires, quels sont les tests, les linters en fait. À l'époque, enfin, faut voir qu'un linter, il y avait très très peu de gens qui en avaient déjà utilisé, donc. En fait, ma première expérience de boîte, et vraiment d'ailleurs, c'est ma première expérience de boulot, c'était de vendre de l'intégration continue. Donc en fait, j'ai baigné dedans dès le début. Donc c'est un peu une expérience un peu particulière, je pense, par rapport à... Intégrateur d'intégration ? C'est ça, exactement. Et donc c'était un peu particulier. Donc voilà, donc dès le début, j'ai baigné dedans. Et après, quand je suis allé faire autre chose que du conseil, mais directement d'être dans des entreprises, bah là, pour le coup, j'ai continué là-dessus. Et c'est pour ça que... je sais pas si je l'ai déjà dit, mais en fait, pour moi, le lien avec le DevOps, ça a été le fait qu'un jour, mon CTO m'a donné un lien en disant hey, « Eh, regarde, ça ressemble quand même beaucoup à ton métier. » Et ça s'appelle DevOps. Et en fait, du jour au lendemain, je suis passé d'intégrateur système ou alors d'administrateur système. Je suis passé à DevOps. Mais en fait, vraiment, c'était déjà ce que je faisais avant. Je faisais déjà sans le savoir, ouais. Ouais, c'est ça. Enfin, sans avoir un terme. Sans avoir un terme, voilà, à dessus. Ce qui était vraiment très particulier. Donc voilà un peu mon lien en tout cas avec avec la CI/CD. D'ailleurs, je vais aller je pense qu'on en reparlera au moment où on parlera de la CD, mais on le met toujours dans cet ordre-là et je pense que nous tous autour de la table, on a d'abord fait de la CI avant de faire de la CD si jamais un jour on a fait de la CD. Donc voilà. Et là, en fait, on a parlé donc très très généralement de ce que c'était que la CI et la CD, plus en rentrant dans les détails, parce que là, j'aimerais bien une petite partie un peu technique là-dedans. Quelles sont les plateformes que vous utilisez, que vous avez utilisées, pour qu'on ait un peu votre background technique là-dessus? Alors, Moi, je vais commencer. Je pense, comme pas mal d'entre nous, j'ai découvert au début l'intégration continue avec Jenkins. Jenkins, tout le monde le connaît, tout le monde le déteste, pourtant tout le monde l'utilise. Et ensuite, j'ai pu aussi découvrir des outils comme Travis. Et là, par contre, c'est un peu le rêve avec un concept repository driven qu'on pourra peut-être voir en détail plus tard. Mais Travis, ça a vraiment été pour moi l'avènement de la CI on demand. Puis ensuite, les dérivés comme Drone, comme GitLab avec son GitLab CI également. Et ce genre de choses. Etc. Est-ce que vous en avez vu d'autres, vous? Ouais. Moi, comme Xavier, j'ai découvert d'abord surtout avec Jenkins, que pas mal de boîtes utilisaient et utilisent toujours, d'ailleurs. C'est encore très largement répandu, je pense. Dans ma boîte actuelle, c'est du Circle. C'est mon premier contact avec Circle, donc ça fait que 3 semaines que je suis dessus. J'ai pas encore vraiment trop mis les mains dedans. D'ailleurs, je pense que je vais devoir mettre un peu les mains dedans parce que, à mon avis, il y a de l'optimisation à faire. Là, ils sont pas du tout dans la paralysation des tests et des jobs, et du coup, c'est un peu un enfer. Ça met une éternité à build, mais je pense que c'est plus un problème d'utilisation que d'outils, à mon avis. Donc, je vous en dirai plus peut-être la prochaine fois en aparté. Mais voilà, Circle, Jenkins, j'ai déjà vu du Travis aussi, etc. Et Christophe, toi, est-ce que je vois même que tu nous as parlé même de CodeChip? Très intéressé. Puis, naïvement, c'était un peu mon premier. Et après, j'ai dit Circle CI et GitLab CI. Et là, je décroche pas de GitLab CI depuis que je l'ai découvert. D'accord. Mais justement, j'ai pas grand chose à rajouter. Je sais pas. Moi, à la limite, je peux parler de cette première expérience que j'ai eue d'une CI où je l'ai bricolé moi et les mimines, mais c'était du bash et je préfère pas en parler finalement. J'ai pas si honte de le dire. Mais c'est assez bien, c'est qu'en fait, on voit que tous dans notre cheminement, on est passé par Jenkins. Alors, si jamais on devait faire des catégories là-dessus, qu'est-ce qui différencie selon vous un Jenkins de tout ce dont on a parlé, d'un Circle CI, etc., et même après d'un GitLab CI? Enfin, quelles sont pour vous justement ces différences qu'on pourrait faire? Enfin, pourquoi vous dites qu'on a commencé avec Jenkins et pourquoi on n'y est plus maintenant, en fait? Moi, je pense que justement, je vais faire le lien avec la toute première expérience que j'ai eue, en fait, où on faisait ça avec du bash. En fait, on a fait des scripts pour juste lancer plusieurs commandes l'une à la suite des autres et faire notre intégration manuellement. Au final, Jenkins, on l'a vraiment considéré pour ce que c'est. Il lance des jobs, en fait. Il fait des process qu'on lui demande de lancer. Donc, pour faire ça, c'est très bien de... on peut le faire avec des scripts bash ou comme on veut, avec un cron job. Hein. Au final, ça marche. C'est juste que c'est pas maintenable. Et l'avantage de ces outils, c'est qu'ils proposent quand même pas mal d'options telles que, dans le cas de Jenkins, des Jenkins files. Donc, Travis, on a pareil, hein, Travis YAML qui nous permet de faire des choses. On va avoir des options qui vont permettre de nous faire de l'ordonnancement après un commit ou de lancer à une certaine heure. Ça va être ce genre d'options, je pense, qui vont différer d'une plateforme à l'autre et qui vont nous permettre de choisir vraiment notre outil et de savoir à quel point il peut s'intégrer avec le workflow de notre équipe ou de l'entreprise, en fait. Et l'idée que tout le monde ait quitté Jenkins, c'est surtout que l'outil est quand même un peu vieillissant et que les options qu'il propose sont globalement soit assez basique, soit il faut passer par des dizaines de plugins qui eux risquent de planter. Et bon, après j'ai plein d'autres raisons en tête, mais c'est parce que personnellement je n'aime pas Jenkins et donc je préfère éviter de troller. On vient de commencer, quoi. Je vais pas faire ça maintenant. Ah si, tu peux y aller, hein, mais en fait, enfin là, si jamais moi en tout cas je devais faire une distinction, c'est en fait on a vraiment, oui, Jenkins qui est une sorte de runner. T'as parlé de cron job, t'as parlé de tout ça. On a vraiment une sorte de runner de script à la volée, en fait. On définit dans un endroit, bon bah voilà, quand il y a un commit, on a des systèmes d'event, des choses comme ça, mais voilà, tu vas exécuter tel script, etc. Et en fait on a juste pas à le coder dans un cron job, etc. On a quelque chose d'un peu plus distribué encore. Jenkins, surtout, ça avait une web UI. C'était oui, ça qui était intéressant. C'est que c'était accessible où très vite, en fait, tu spawns ton war, t'as une UI où tu peux commencer à coder des trucs avec très rapidement, voilà, je veux check outer mon code de tel endroit, je vais exécuter tel script. Et puis, il pouvait watcher. Donc, c'était l'un des avantages de Jenkins, c'est que très vite, tu pouvais faire des trucs. Ouais. Par contre, l'inconvénient, c'est que avec tout son écosystème, son immense flexibilité, parce que tu as 1000 plugins, 1000 trucs, ça commençait à être un clicodrome. Et ça commençait également à être un truc qui n'était pas managé comme le reste de ce qu'on essaie de faire avec l'infrastructure, avec les configs. Enfin, c'était un truc énorme qui était imbackupable, inversionnable. Mmh. Ah, les derniers problèmes que j'ai eu avec Jenkins, c'est qu'il était impossible à reconstruire depuis le code source. Donc en fait, on était obligé de faire du clicodrome pour le reconfigurer. Et donc, on ne pouvait pas se passer de la VM qui contenait Jenkins. On ne pouvait pas la supprimer et la recréer. Et ça, ça a été un vrai problème dans mes expériences passées. Et donc justement, donc là vous avez évoqué les problèmes de Jenkins. Quel est justement les, enfin comment les outils donc qu'on a dit maintenant qu'on utilise ont réussi à résoudre un peu ce problème-là. Christophe, tu nous parlais toi notamment que tu utilisais maintenant GitLab CI, mais même avant ça, enfin quel est pour toi justement le changement, ce qui fait que tu vas aimer un outil plutôt que Jenkins peut-être. Alors déjà, j'ai beaucoup souffert avec Jenkins aussi, avec sa gestion des workspaces et du fait qu'on hérite des workspaces passés et donc des jobs qui ont pu passer. S'ils étaient mal nettoyés, on pouvait se retrouver des choses qui étaient... Du coup, avec les nouvelles plateformes CodeShip l'avantage, c'est qu'on... avec si on veut récupérer des choses, c'est à nous de se garder entre chaque job. Et du fait, c'est quand même beaucoup. J'ai l'impression qu'on perd un peu, Christophe, là. je crois qu'on a loupé des mots là de ce que tu viens de dire. C'est vrai que donc cette partie Jenkins, le fait que les jobs soient distribués et le workspace pas du tout atomique en fait. Enfin, tout le monde partage un peu le même espace, les mêmes machines, les mêmes runners. Au final, moi, de ce que je vois, en tout cas, c'est il y a un point important, c'est que justement, voilà, on a ce single runner. Et on a aussi le fait que qu'on a une définition YAML, c'est-à-dire que là, tu parlais tout à l'heure d'infrastructure as code, etc. On aurait très bien pu, et d'ailleurs on l'a déjà vu, des gens utiliser de l'infrastructure as code pour configurer du Jenkins. Je pointerai pas du doigt, mais je me souviens de gros chefs dégueulasses pour auto-configurer des Jenkins. Ouais. Et justement la différence qu'on a maintenant en fait, justement on a résolu le problème encore une fois et comme toujours dans l'ingénierie en reportant le problème ailleurs et heureusement c'est que en mettant les YAML au sein des repositories, ça veut dire que on peut avoir même plusieurs CI qui tournent sur un même code en fait. Ça, je pense que tu marques un point sur ce que tu viens de dire. Enfin tu soulèves un point intéressant, c'est que justement la définition des jobs est à côté de ton code, elle est avec ton code en fait. C'est repository driven. Ouais, donc tu peux lire ton code et en même temps voir comment il est buildé, comment il est déployé, comment machin. Et c'est vachement plus simple que d'aller voir des job Jenkins qui sont configurés dans tu sais pas où, qui font tu sais pas quoi, qui sont impossibles à reproduire. Et là en plus c'est vachement plus simple. Ça me fait penser à ces entreprises qui essayent d'embaucher des gens pour juste faire la CI/CD et ensuite la donner aux devs. Sauf que ça marche pas en fait, puisque chaque projet est buildé à sa manière avec ses spécificités et du coup le process de build doit venir de l'équipe de dev et personne ne peut donner une CI et la proposer à l'équipe de dev et espérer que l'équipe de dev s'en serve comme si c'était la leur. Et ça rejoint ce côté où en fait on définit les pipelines, on définit nos scripts, nos process dans le repository, les devs ont la main dessus et c'est les devs qui contrôlent au final le build de leur produit dans la CI. Et justement, ça me permet de rebondir assez. Là, depuis tout à l'heure, donc on parle de CI, on parle de test, on parle de. Mais en gros, qu'est-ce qu'on fait dans une CI? Enfin, globalement, vous allez. Enfin, quelles sont les actions dont vous avez besoin de faire dans une CI? Enfin, lancer les tests. Alors, quel test? C'est quoi pour toi un test? Test unitaire. Ok. Éventuellement, test d'intégration. Non, mais oui, c'est ce que tu vas voir la plupart du temps. Test unitaire, test d'intégration, build de ton artifact à la fin. Moi, justement, dans ma mission actuelle, en fait, on a justement pour mission de popper des CI en fait, pour chaque projet. Et du coup, on a dû proposer une définition qui plaisait un peu à tout le monde pour que chacun puisse comprendre un peu ce qu'on fait. Donc nous, la définition qu'on a proposée, c'était la CI, au final, le but de la CI, c'était de proposer un package déployable, en fait. C'est que ce qui doit sortir de la CI, nous, on peut le récupérer côté déploiement pour le déployer. Et donc, définir le package déployable, du coup, ça, c'est un vrai problème. Et en général, on donne l'adresse des 12 factor app comme définition d'un package déployable. Et je sais pas s'il faut que je définisse 12 Factor App, vu qu'on en parle régulièrement. Mais vas-y, ouais, enfin, c'est pour ceux qui nous rejoignent. Bon, bah alors, j'ai ouvert le lien, parce que je les connais pas tous par cœur. Il a préparé. Ouais, enfin, j'ai préparé à moitié. Ouais, donc les applications 12 Factor, c'est un document, au final, qui est disponible sur Internet, donc qui se fait en 12 chapitres, et il vise à expliquer les bonnes pratiques, en fait, comment écrire une application pour qu'elle soit cloud ready et qu'on puisse l'exploiter correctement. Et donc dans les différents chapitres, on peut trouver par exemple la phase build, release, run. Donc comment on va séparer les différentes étapes du cycle de vie de l'application, comment on va gérer les processus, comment on gère les logs, voilà, c'est en fait, c'est la définition de à l'époque ce qu'on appelait les cloud ready application. C'est-à-dire comment on fait en sorte pour que son application devienne cloud ready. J'aimais bien ce terme de cloud ready. Ouais, cloud ready, c'est plutôt pas mal. Ouais. On dit cloud native maintenant. Non, ah non, c'est pas tout à fait pareil. C'est pas vraiment pareil. C'est cloud ready justement, c'était comment on arrive à faire passer son application. Ouais, ça, il y avait aussi un côté un peu transition là-dedans qui était. Mais voilà, on avait cette idée là. Et donc là, on a parlé. C'est assez bien. T'as parlé en fait de la fin de la CI. En fait, tu définis la CI par sa fin. Bah en fait, nous, c'est comme ça qu'on le définit le mieux, parce qu'on veut laisser la liberté totale aux devs et aux projets. En fait, il faut bien comprendre qu'il n'y a pas quelqu'un qui va créer la CI pour un projet, et vraiment, le projet doit venir s'accaparer ce process de build. En fait, il doit le faire lui-même, on ne pourra pas l'inventer pour lui. Du coup, la seule chose qu'on dit, c'est voilà ce que vous devez nous livrer à la fin. Et après, on peut vous aider à le faire si jamais vous avez besoin d'aide, mais livrez-nous en package déployable. Et c'est aussi parce que dans ma mission actuelle, nous n'avons pas la main sur les différentes CI qu'on l'a définie de cette manière-là. Moi, j'aime bien cette définition où tu dis voilà le contrat, on veut ça à la fin, entre deux, faites comme vous voulez, du moment que ça marche, et pour vous et pour nous, pas de problème. Oui, parce que là, en fait, depuis tout à l'heure, on parle application, mais genre... c'est dans qu'on fait quand on fait les tests, etc., unitaires. Bon, bah, pour la plupart des projets, c'est possible, tes intégrations externes. Mais par exemple, quand on parle d'un JS, pur JS type React, etc., bah, moi, personnellement, en tout cas, la façon de tester, j'en ai aucune idée. Et d'ailleurs, elles sont très très différentes. Enfin, un test d'intégration, c'est quoi? C'est on spawn un navigateur, on utilise du Selenium, etc. Si jamais je fais mon application en Go, typiquement, je vais pas du tout spawner un Selenium. Donc, c'est pour montrer un peu la volatilité qu'on peut avoir dans les différents systèmes entre les façons de tester. En fait, un projet ne sera pas du tout testé comme un autre et intégré comme un autre. Il te faudra peut-être un outillage complètement différent au final pour le tester. Oui. Tu disais Selenium, tu disais machin. Peut-être que tu pourras pas le faire avec, je sais pas, du GitLab. Je dis n'importe quoi, mais avec du GitLab, il te faudra un autre outil pour spawner tes navigateurs. Oui, par exemple, une application mobile. Comment on fait pour faire des tests d'intégration sur un APK Android? C'est voilà. Et pourtant, c'est des choses. Mais en fait, là, il y a une réponse qu'on n'a pas tout à fait eue. Je trouve que c'est pourquoi on fait de la CI. Genre le qu'est-ce que ça va nous apporter qu'est-ce que ça va nous apporter concrètement? Enfin, pourquoi on a mis en place ce genre de choses-là? Enfin, moi, je peux très bien développer, pousser mon code, ça part en prod, bah voilà. En fait, je pense que au début, enfin, avant qu'on arrive à la définition de Romain avec un livrable qui a un certain format, c'était essentiellement des tests exécutés. En fait, la continuous integration, c'était de se dire, ok, j'ai fait des changements qui sont soit sur une branche, sur autre chose, qui doivent être maintenant intégrés dans la code base commune, et je voudrais vérifier que ce que j'ai fait, ce que j'ai introduit comme changement, n'a pas cassé le reste du logiciel. Et en théorie, ça exécutait d'abord des scripts. Et souvent, la construction de ton artefact, il arrive finalement en deploy step, quoi. C'est à la fin, une fois que tous les tests sont verts, c'est-à-dire mes tests de lint, mes tests de mes unit tests ou mes tests fonctionnels un peu plus haut niveau, une fois que les tests applicatifs sont verts, je package mon application pour du déploiement. Et en fait, il y a des softs comme GitLab, enfin, je vais pas les citer comme ça pour les pointer du doigt, mais qui propose une solution en fait tout en un CI/CD, alors que pour moi, c'est quand même deux types de workflows qui sont différents. différents, mais qui veut pas dire ne doivent pas se parler et être conscients de l'un et de l'autre. Mais c'est quand même deux steps un peu différentes. D'un côté, je fais de l'intégration continue, je vérifie juste que mon code fonctionne et je ship de l'artefact. Et d'un autre côté, c'est je vais faire du déploiement en choisissant mon artefact et en le faisant valider stage by stage jusqu'à la production. C'est assez marrant en fait, c'est la définition que je comptais à un moment arriver, parce que c'est vrai que c'est celle un peu que j'ai. Et c'est marrant, enfin là autour de la table, on est peut-être dans un microcosme un peu trop fermé, on se connaît un peu trop à mon avis. C'est pas du tout une définition standard ça. Enfin, je sais pas, toi Christophe, qui est pour le coup nouvel arrivant là-dedans, et est-ce que toi t'avais déjà cette décomposition entre CI par artefact et CD, vraiment le déploiement de cet artefact? Un peu moins quand même. Pour moi c'est vraiment une suite, la CI pour faire de la qualité du code et puis la CD pour déployer ou pour obtenir un livrable. Et pour moi je le vois vraiment dans une continuité et pas forcément comme deux choses séparées. Alors en effet, il y en a un qui déclenche l'autre, mais c'est pour moi une suite logique. Si je reviens sur ta question tout à l'heure, pourquoi est-ce qu'on fait de la CI, pour moi, pourquoi on en fait, c'est vraiment pour assurer la qualité du code, que ce soit le code des applications ou le code de l'infra. Parce que j'imagine que tout autour de la table, on fait des tests de code infra. Ouais. Oui, bien sûr, on en fait tout le temps. Moi, j'allais dire. Non, je plaisante, hein, c'est genre on en fait quand on arrive à refaire. Hein. La réponse que j'allais donner à cette question, moi, c'était pour gagner en confiance dans le code, mais ça rejoint un peu la qualité, en fait. C'est exactement les mots voilà, que je voulais entendre. Enfin, à mon avis, c'est qualité et confiance qui sont pour moi, en fait, les étapes importantes du pourquoi on fait de la CI et pourquoi, en tout cas, historiquement, on les a fait. Et peut-être justement, c'est ça, en fait, le lien. Toi, Christophe, tu parles donc d'une suite logique entre les deux étapes. Je pense que ça l'est aussi en partie, c'est que la CI nous donne assez de confiance pour pouvoir après déployer sereinement. Je pense que c'est pour ça qu'il y a forcément un lien entre les deux qui est assez logique, en fait. Après, comment tu fais le lien? Est-ce que tu corrèles les deux? Est-ce que tu les décorrèles? Bon, ça, je pense que c'est libre arbitre. Ouais. Alors moi je disais au début que justement ça pouvait être deux process qui pouvaient être asynchrones pour dire tu continues à shipper et ensuite tu déploies, mais qui en effet tous les deux devaient être liés, en tout cas être conscients l'un de l'autre. Moi c'est avec le temps en fait que je me dis que ça doit être deux process différents, puisque dans une de mes expériences on avait vraiment essayé de faire des pipelines en mode c'est pushé, c'est buildé, c'est déployé, ultra linéaire et bloquant. Et on s'était rendu compte à un moment donné que justement, on avait des bugs qu'on avait eu du mal à résoudre, ou peut-être c'était les UI qui étaient mal faites, mais on arrivait avec un pipeline dont l'historique nous donnait que le déploiement jusqu'en dev, et on n'avait plus jamais le reste pour aller jusqu'en prod, et on savait plus du tout quel état était la prod ou pas. Et quand t'es à plusieurs, ça devient vraiment compliqué. Si jamais j'essaye peut-être de consolider les deux et vous me direz votre avis, c'est que je pense aussi dans CI, donc comme on a intégration, il y a la manière d'intégrer comment notre logiciel s'intègre avec le reste de l'écosystème. Donc en fait, la CI inclut, je pense, forcément une partie déploiement. Et c'est peut-être ça, en fait, la chose dessus. C'est qu'en fait, si jamais on veut tester, par exemple, l'intégration avec une base RDS, par exemple, notre logiciel, il pourra très bien marcher avec le SQLite local. Comment maintenant il marche avec le RDS distant? Si je veux faire des tests de bench, moi, ma confiance, donc on parlait tout à l'heure de confiance et de qualité, j'ai envie, par exemple, d'avoir une qualité en termes de benchmarking de mon code. Est-ce que j'ai une régression sur ça? Donc forcément, il faut que j'arrive à un moment à déployer mon code et en espérant pour avoir la qualité la plus proche et pour faire les tests qui sont pertinents, être le plus proche possible de la vraie infra. Je sais pas si vous me suivez là-dessus. Bah en fait, je suis assez d'accord là-dessus. Le problème, c'est que c'est pas toujours possible. Et moi, je suis typiquement dans un cas où on a des contraintes de sécurité très fortes et de séparation des pouvoirs entre des personnes qui auraient accès à des environnements et pas d'autres. Et ce cloisonnement nous oblige au final à être répercuté techniquement. Alors c'est assez contraire au principe DevOps de couper les cloisons et d'éviter les silotages. Mais quand on intègre un groupe qui a déjà une certaine taille, en fait, on peut pas forcément réorganiser comme on veut. Et à partir de là, moi j'ai vraiment une séparation très forte entre la CI et la CD. C'est pour ça qu'on parle de. C'est pour ça que ma définition c'était livrer un package déployable. Il y a vraiment une notion de. C'est un contrat d'API en fait entre différentes équipes. C'est il livre quelque chose à une autre équipe. Et j'avoue que c'est pas idéal, mais parfois on n'a pas le choix. Et pour moi, dans le cas optimal d'une vraie CI/CD qui fonctionne, effectivement, ça fait partie de l'intégration d'avoir l'environnement de dev déployé à chaque commit pour que le développeur s'aperçoive si ça fonctionne avec l'environnement complet, c'est-à-dire avec les bases de données, le SSO et ainsi de suite. Est-ce que ça rejoint un peu ce que tu disais, Christophe ? Justement, je voulais intervenir. Je suis assez d'accord en fonction des clients. Moi, j'ai un gros client qui a une très grosse DSI de plus de 1000 personnes. Et en fait, la livraison continue sur notre environnement de dev. Et alors, le déploiement continue, excusez-moi, du coup. La livraison, en effet, c'est mettre à disposition le package qui va être déployé. Et la DSI de ce client-là, il y a des gros silos énormes. Et ils prennent notre package et ils essaient de l'installer tant bien que mal. Je ne sais pas comment, d'ailleurs, avec leur Jenkins. Je ne suis pas sûr que tu aies envie de savoir. J'ai un autre client qui, lui, carrément va à l'extérieur inverse. Il déploie à chaque feature, puisqu'il a un cluster OpenShift, à chaque feature, il déploie l'intégralité de l'application dans un namespace séparé avec tout ce qui va bien. D'accord. D'accord. Donc, on a vraiment les deux cas. Et dans le cas où donc t'as un silo énorme entre les deux côtés, est-ce que t'as une comment s'est fait la définition du package, en fait, du livrable? À quel moment il y a eu une définition, ou est-ce qu'il y en a pas eu et juste elle s'est faite? Ben justement, il y en a pas eu. Et donc là, pour le coup, la définition du livrable pour cette DSI, on utilise aussi OpenShift chez eux. Et leur livrable, c'est les JSON qu'ils extraient de la plateforme que nous, on exploite, nous, l'équipe projet. D'accord. Et là, ça, c'est clairement un manque de définition entre nous, l'équipe projet, et la DSI. D'accord. J'ai l'impression qu'on a tous, au final, de par nos expériences et notre vécu, des définitions un peu différentes. Et c'est pas un problème. Je pense juste que ce qui est important, c'est que dans l'environnement dans lequel on travaille, c'est de se mettre d'accord sur la définition entre les gens qui partagent le même environnement. Et puis voilà, et puis ça fait le taf, quoi. Et donc on a un peu parlé CD, etc. Votre manière de le faire, vous allez le faire comme de la CI, ça veut dire c'est un script exec qui va se faire à un moment. Enfin, en fait, là, on a parlé de pipeline, on a parlé de livrable. Concrètement, si jamais demain je veux faire de la CD, je le fais comment? C'est un script exec deploy.sh à la fin? On a eu une réflexion intéressante il y a quelques mois avec des collègues là-dessus, et du coup, en fait, on a essayé un peu de redéfinir notre propre rôle. Et du coup, en fait, plutôt que s'appeler l'équipe DevOps ou SRE, on a proposé de se développer développeur d'infra. Et je pense que ça résume assez bien ce point, en fait. C'est de se dire que on est développeur, donc on écrit du code. Ça fait lien tout de suite avec la notion d'infra as code, en fait. Ce qu'on écrit, c'est de l'infrastructure. Et c'est du code source qui se déploie avec qui se rapprocherait le plus de l'intégration continue, sauf que comme on écrit de l'infra, en fait, nous, c'est un déploiement qu'on écrit. Et moi, parfois, j'ai l'impression que notre CD, c'est un peu la même chose qu'une CI, c'est juste que c'est la CI du côté infra. C'est une définition un petit peu, c'était une réflexion qu'on avait eue le temps d'un déjeuner. Ça vaut ce que ça vaut, mais je pense que la notion de développeur d'infra, c'est une notion qui reste chez nous là depuis plusieurs mois, qu'on aime bien. Après, le lien avec la CD, ça reste à voir. Et moi, pour moi, c'est un peu ça le but de la CD, c'est de déployer le code que nous on a écrit dans la phase de développement de l'infra. Et toi, tu me disais un peu en off, Christophe, que c'était ce que tu faisais la plupart du temps, la CD pour tes clients. Toi, justement, tu vas le préconiser comment? Est-ce que tu t'adaptes vraiment au type de contexte, ou est-ce qu'il y a une façon de faire qui marche mieux que les autres, en tout cas, pour faire de la CD? Non, je m'adapte vraiment au contexte, parce qu'en fait, ça peut être je suis assez fan d'Ansible, donc soit je développe des playbooks Ansible qui vont déployer l'application sur un serveur. Mais depuis quelques années, je suis très Golden Image, infrastructure immuable. Du coup, c'est je repackage carrément le serveur à chaque nouvelle version, et puis je balance les anciens serveurs et je up les nouveaux serveurs. Voire je construis des conteneurs Docker, puisque OpenShift ou Kubernetes, du coup, on peut builder à la volée. D'accord. Bah alors là, t'as mis pas mal de. Là, tu nous as fait l'historique. Tu nous as fait l'historique d'un seul coup de. En fait, le passage entre l'infrastructure mutable avec de l'infrastructure as code type Ansible et après le passage à du packer et des images de VM ou de bare metal d'ailleurs possible dessus. Enfin, au final, là, on a trois processus et en passant après sur les conteneurs, on a trois processus de déploiement qui sont vraiment. Enfin, très, très, très, très différent, pour le coup, entre les trois. À chaque client ou chaque besoin, on adapte le processus. Et vous, dans vos expériences Moi, j'ai un peu les mêmes expériences. J'ai connu du déploiement en asynchrone avec des trucs type chef. Donc, t'as pas forcément la main dessus. Tu sais pas exactement quand ça va être déployé, mais tu sais que ça va se déployer. Du déploiement en pipeline linéaire avec intégration, déploiement, etc., etc., en pré-prod. Et si ça passe pas la pré-prod, tu passes en prod, tu passes pas en prod, etc. Et t'es bloqué pour tout le reste. Et puis des trucs plus, comment je pourrais dire, déploiement avec, avec des conteneurs Docker sur du Kubernetes maintenant, sur. Et selon vous, enfin, ça va être quoi justement cette différence entre les deux, ce que va apporter, enfin, pourquoi on a changé le pipeline au final, il marchait quoi. Enfin, j'ai dans mon étape de CI, j'ai un truc déploiement, hop, c'est déployé en production et c'est bon. Il y a un mot en tout cas qui est pas encore arrivé jusque là dans notre discussion, et il y en a un très important à mon avis, sécurité. Mm-hmm. Dans le pipeline de déploiement, c'est que genre en gros, dans ce qu'on a dit au début, les plateformes type Jenkins, c'est des gros runners de script. Mm. Si déployer, c'est un deploy.sh, quelque chose qui fait, ça veut dire qu'en gros, j'ai un endroit avec une web UI qui a les droits d'exec n'importe quoi sur mes comptes serveurs. C'est globalement ça, si jamais j'ai résumé. C'est ça, ouais. En quoi c'est un problème? Ok. Question suivante. Non, mais enfin, c'est peut-être pour contextualiser peut-être un peu plus la raison du pourquoi on a fait ces. Pourquoi on déploie plutôt un conteneur maintenant qu'un. Je pense que ça fait partie effectivement de l'équation de pourquoi on a changé le mode de déploiement. Il y a un aspect sécurité, ça me paraît évident. Maintenant que t'en parles en tout cas. pour moi. L'aspect qui m'a le plus séduit par les histoires de conteneurs et autres, c'est que des outils comme Ansible ou Ansible ou d'autres comme Chef ou Puppet, où c'est plutôt client-based, l'un des problèmes que je vois avec ces outils-là, avec l'avènement des conteneurs, c'est que ça pouvait tout faire. Le café, le thé et même le cappuccino. C'est-à-dire que très souvent, moi je me retrouvais avec des exemples où il y avait une partie, c'était configuration de la couche base commune, genre l'OS sur lequel devait tourner ton application. Puis d'un coup, on te mettait le templating de l'app, de fichiers de conf, parce qu'on disait c'est comme ça, la config c'est dans Puppet. Et puis d'un coup, on te disait bah tiens, ça va aussi faire des déploiements, des trucs comme ça. Et du coup, c'était toujours des allers et retours. Entre ah tiens, faut changer les trucs côté config management, puis faut changer les trucs côté app, et en fait t'avais des workflows et des cycles qui étaient pas synchronisés alors qu'ils en avaient le besoin. Et moi, ce que j'ai vu, enfin en tout cas ce qui m'a plu avec les conteneurs, c'est que d'un coup tu repackages vraiment tout ce dont ton application avait besoin très tôt. Et après t'es là en mode ça y est, j'ai tout, maintenant j'ai plus que besoin de déployer ou de templétiser ma conf en fonction de mon environnement et de faire un run et c'est terminé quoi. Et t'as plus ce mélange qui était très flou entre la partie run opérationnelle qui était au début préservée par les ops, qui était dans du Puppet, versus ce dont ton application avait besoin, qui était ton code base à toi. L'exemple typique de ce type de problème, c'est quand la base te met à jour le Java et que le jar que t'installes est plus compatible. Ouais, c'est ça. C'est le type, enfin, c'est pour contextualiser un peu, peut-être pour ceux qui soit ont connu que les conteneurs, soit pour voir les problèmes pour ceux qui les utilisent tous les jours. Et c'est vrai que les conteneurs résolvent en partie ce type de problème, en tout cas. Ça, termes de dépendance. Ça fige l'environnement aussi, ouais. Voilà. Et peut-être la différence, enfin, là, dans tout le cycle que tu nous as dit un peu, Christophe, qui était, Ansible, puis faire des images immutables de VM, puis des conteneurs. Dans le conteneur, enfin, je pense là, on parle tous Docker. Enfin, je sais que j'ai utilisé des conteneurs depuis un petit moment, mais bon, là, quand on parle conteneur, on va parler Docker. Docker, ce qui vient aussi, c'est avec une méthode pour aller les chercher. Ah, le Docker Hub. Le Docker Pass avec le Docker Hub et le nom des images dans lequel il y a la registrie intégrée, etc. au final, aussi la différence et ce que apportait Docker là-dedans, c'est que ça apportait le format de run, le format d'accès. Enfin, ça a apporté énormément de choses d'un seul coup, en fait. Ils les ont formalisés. Ouais. Puis ce qui est fort, c'est que c'est devenu un standard de facto, quoi. De par l'utilisation par un peu tout le monde, maintenant, c'est devenu un vrai standard qui a même pas essayé de s'imposer tout seul. Il s'est imposé en tant que tel. Ouais, mais c'est parce que justement, ils ont bien pris le temps de définir ce contrat d'interface qui était la clé pendant très très longtemps, Docker run, Docker build, Docker network, ce que tu veux, alors qu'en effet les conteneurs, enfin le concept des conteneurs, ça existait depuis très longtemps, mais la dernière connaissance que j'avais des conteneurs avant Docker, c'était fais ton image à base d'un Debian que tu sais pas où, ou tu fais un debootstrap quelque part, ensuite un gros TarGZ que tu mets sur un espèce de serveur quelque part et tu sais pas trop comment le partager, alors qu'eux ils ont tout de suite mis les concepts de t'as un repo, t'as des tags, t'as des versions, voilà le formalisme pour le builder, enfin ils ont vraiment, en fait ils ont mis du formalisme là où il y en avait pas, et c'est ça qui a tout révolutionné en fait. Moi, ce que je trouve drôle aussi, c'est que là, dans les discussions, on a vu, enfin, vous en parlez comme s'il y avait vraiment quelque chose de linéaire entre on va installer sur les serveurs avec, par exemple, Ansible, puis ensuite on fera de l'archi immutable, puis ensuite du conteneur. Et en fait, c'est super chouette, mais par exemple, là où je suis actuellement, il n'y a pas de Kubernetes. Donc, faire tourner du Docker, c'est bien, mais il y a un OS en dessous. Donc, il faut aussi qu'on le manage. Et donc nous, on est toujours sur cette notion qu'on pousse, en fait. On pousse très fort pour qu'on continue d'utiliser autour de nous cette infra immutable. Et on a du mal d'éduquer les autres personnes qui déploient autour de nous, parce que de leur point de vue, c'est une perte de temps de reforger une image complète pour avoir une golden image, alors que il suffirait de se connecter dessus en SSH. Et moi, je sais que le passage de l'un à l'autre, en fait, nous, on le justifie parce que on a beaucoup moins d'erreurs que tous les projets qui le font en mode on se connecte en SSH et on fait les mises à jour, mais ça reste un message qui a du mal à passer, et je sais pas si vous avez ce genre de truc, mais moi je voudrais répondre avec par rapport au Golden Image. En effet, fut un temps où je pratiquais aussi la construction de iMI pour Amazon, donc les Amazon Machine Image, et ça en effet ça prend beaucoup de temps parce que à chaque fois c'est un blob entier. Et là où, encore une fois, Docker, ils ont réfléchi à la problématique et ils ont apporté une solution qui était le concept de layers. Ouais. Ce qui te permettait également de gagner énormément de temps quand tu le faisais de manière intelligente. Quand tu savais ordonner tes sources et ok, ça c'est un fichier qui va changer très souvent, je le mets à la fin, ça c'est un truc qui change pas, je le mets tout au début. Et ensuite, et avec tes layers, du coup, même rebuilder une image qui sera un livrable entier, en fait, ça permettait d'être rapide. Un point peut-être qui peut être une explication, ou en tout cas une solution pour convaincre à passer à l'immutable, c'est dans le cas où on commence à avoir beaucoup de services différents sur une même machine. Et parce qu'en fait, on a des petits services qu'on va appeler microservices. Et donc, quel va être justement ce contexte-là ? Est-ce que vous ne pensez pas que les microservices ont justement un impact sur la manière dont on déploie, et dans ton cas ? Si, bien sûr. Parce que les microservices, au final, ça va être des équipes différentes qui vont le développer, qui vont les développer, qui seront probablement pas écrits, peut-être pas écrits dans le même langage, qui n'auront pas été buildés de la même façon, qui n'auront pas les mêmes dépendances système, qui n'auront pas besoin des mêmes librairies, etc. Et ça, quand tu veux faire ça sur un OS standard, installer les milliards de dépendances dont tu vas avoir besoin pour faire tourner ton code, à moins que ce soit des binaires compilés, mais si c'est pas le cas, tu vas juste galérer à fond et probablement que tu vas avoir des conflits, etc. Et ça va être juste un enfer à gérer. Et avoir un truc où tu déploies tous tes microservices qui sont buildés avec un artefact Docker. Et donc du coup, du point de vue du système sur lequel tu vas aller faire tourner, au final, ce sera juste la même chose. C'est beaucoup plus simple en fait. Du point de vue du système sur lequel tu vas déployer tes artefacts, ce sera un seul type d'artefact et non pas 15 différents. Et toi, Christophe, est-ce que tu as eu une expérience comme ça avec les microservices ? Est-ce que tu as plutôt l'habitude de déployer des microservices ? Est-ce que ça va changer pour toi la façon de faire ? Un petit peu, oui, quand même, parce que il faut du coup s'adapter à chaque microservice et voir aussi les dépendances entre les services, parce que c'est bien beau de déployer un service parmi une PLT, mais s'il y a des dépendances qu'il faut gérer en plus, le processus de déploiement est plus très facile en fait. Là, j'ai un de mes clients, justement, il a des microservices et sa philosophie a été de, quitte à déployer le microservice, on va redéployer intégralement la stack complète en blue-green. Et même s'il n'y a qu'un seul service qui change, on va tout déployer, sauf évidemment la base de données. Mais là, il est en dehors du cluster Kubernetes, donc du coup, il n'y a pas de problème. C'est assez marrant, c'est qu'en fait, les microservices reviennent aussi à la problématique de CI, en fait. Enfin, là, c'est un peu ce que tu dis, non ? Un petit peu, ouais. Un petit peu. Parce que du coup, en effet, on déploie à côté et puis on peut regarder ce qui se passe. Oui. C'est cette notion d'intégration en fait dont on parlait tout à l'heure. Tout à l'heure, j'avais résumé en parlant d'une base de données RDS ou quoi que ce soit, mais en fait, quand on est en microservice, l'extérieur, c'est les autres, enfin, c'est nous-mêmes en fait. Et je trouve ça assez marrant le relien que la CI impose là-dedans. Et d'ailleurs, toi, Christophe, enfin, tu vas le faire comment ? Donc, tu disais que tu déployais entièrement toute la stack à chaque fois pour pouvoir tester ? Non, ça dépend des projets. Là, c'était l'exemple d'un client qui va vraiment très très loin. Non, moi, je sous-déploie le service, mais j'ai pas beaucoup de microservices chez mes clients. Et quand il y en a, il y a assez peu de microservices pour l'instant. J'ai des petits clients, sauf le gros là, mais pour le coup, pour lui, c'est qu'une seule application. Donc, le microservice, c'est le seul. D'accord. Donc, je le déploie, je le build et puis. Je le recharge et il prend la main sur l'ancienne image. D'accord. Et alors pour vous, qu'est-ce que vous verriez comme solution justement pour pouvoir tester ? Donc là, redéployer une stack, ça peut se faire. Si jamais on est un hubber, par exemple, si quelqu'un fait un commit, je vais peut-être pas redéployer 7000 services d'un seul coup. Vous feriez comment, par exemple, pour pouvoir tester ça ? Quelles sont des pratiques que vous pourriez mettre en place ? En fait, en gros, là, ce que je suis en train de... je dis la solution, j'arrête de teaser comme ça. Toute la notion de stub, de mock, ouais. Notamment qu'on va avoir. En fait, pour pouvoir tester un microservice, ce qu'on va essayer de faire, c'est de l'isoler par rapport au reste du monde et se dire, il a des entrants et des sortants. Bon, je fais des faux entrants et je fais des faux entrants et des faux sortants qui sont en fait la définition du contrat qu'on s'est fixé avec le reste du monde. Et ça, comment vous le feriez si jamais Quelque chose d'assez amusant, moi, dans le cas qui s'est présenté là, il y a pas très longtemps, c'est que l'équipe de développement n'a même pas accès à l'environnement de qualification. Ils ont accès à un environnement de qualification qui est chez eux, mais qui est à l'extérieur de l'entreprise. Et dans ce cas-là, en fait, s'ils ne moquent pas les services de l'entreprise, ils n'y ont juste pas accès, en fait. Donc là, en fait, c'est assez drôle parce que c'est complètement hors DevOps et philosophie DevOps. On leur a filé des documents. Alors, quand je dis « on », c'est pas mon équipe, je ne suis pas responsable. Ils ont reçu des documents Word ou des PDF qui expliquaient les contrats d'API de ces services qui étaient en interne, qu'ils ne pouvaient pas accéder. Ils ont donc développé en aveugle, avec des mocks, et quand ça est arrivé en qualification, ils se sont aperçus que ça marchait pas. Et moi, j'ai trouvé ça très drôle, en fait, c'est de développer avec un document PDF qui n'est pas à jour, à l'aveugle, donc on fait des mocks, et on gagne en confiance sur le code parce que les tests passent et parce que tous les mocks sont bons, sauf qu'ils correspondent pas à la réalité. Et voilà, c'était une anecdote marrante. Moi, j'ai trouvé ça très drôle quand j'ai découvert. Bon, c'était moins drôle d'un point de vue projet, parce qu'on a quand même pris un mois de retard à cause de ça, mais voilà, c'était l'expérience que je voulais partager autour du mock. Non, mais enfin, en fait, en vrai, c'est assez marrant parce que t'as vécu donc le pire du définition de service. Mais là, je pense que parce que vous avez pas eu de retour rapide dessus. Ce qu'on essaye peut-être de faire pour résoudre ton problème, c'est on définit un contrat. On essaie de s'y tenir, mais surtout on essaie de le tester. Et je sais pas où est-ce qu'était le problème de ton côté. En fait, le problème il est que les équipes sont d'entreprises différentes et dans des bâtiments, des villes différentes. Et donc quand on n'a pas une bonne culture du travail en remote et une bonne culture du partage, ça passe mal en fait, tout simplement. C'est-à-dire que il y a des solutions qui existent, hein. Y a des instances de test qui auraient pu être mises à disposition de cette équipe externe. Ça n'a pas été fait juste par des contraintes de temps et de mauvaise communication. En fait, les problèmes ne sont pas irrésolvables. C'est même pas des problèmes techniques, là, pour le coup. C'est vraiment qu'un problème d'organisation. Quand l'organisation devient trop grosse, les contacts humains sont plus difficiles et ça ralentit énormément. Et moi, j'ai pas vraiment de solution, en fait. Je travaille énormément là-dessus, hein. C'est aussi pour ça que j'aime beaucoup ma mission actuelle. C'est justement de, je m'intéresse à ces dynamiques, en fait. Comment on en arrive à ce genre de situations qui sont assez ubuesques, qui nous font perdre au final beaucoup de temps. Alors qu'en fait, on avait tout ce qu'il fallait pour réussir. On avait même toute la bonne volonté du monde. En fait, il n'y avait pas spécialement de mauvais profils qui faisaient n'importe quoi. C'est simplement qu'on n'a pas réussi à se mettre d'accord suffisamment vite. Et bah voilà, j'ai pas vraiment de solution. Je trouve que l'anecdote est marrante parce que après coup, bon bah, c'est comique. Après, c'est vrai que sur le coup, ça nous a pas vraiment fait rire. Tu vis à Atlanta, t'as vécu le pire du pire de ce qu'on avait avant dans la finition d'un cahier des charges. Ça a l'air horrible à des profils comme nous qui bougeons beaucoup, qui allons dans des boîtes qui ont différentes tailles et qui essayent des nouvelles pratiques. Mais je suis absolument sûr et certain que c'est le standard dans encore beaucoup d'endroits et dans beaucoup de grands groupes. Je pense pas qu'il faille négliger ce genre d'environnement, en fait. À mon avis, il y a encore beaucoup d'entreprises qui fonctionnent de manière très silotée et qui ont ce genre de problème de communication. Et c'est aussi pour ça que ça m'intéresse beaucoup, hein. J'ai vraiment l'impression que l'expertise humaine de comprendre ces dynamiques et essayer d'y remédier, c'est une compétence à part entière de nos jours. En tout cas, dans le domaine DevOps au sens large, donc on essaye de casser les silos. Bah, il faut comprendre les silos pour pouvoir les casser, en fait. Je pense qu'on est. On est d'accord là-dessus. Moi, il y avait un point qui m'intéressait aussi, c'est jusqu'où vous avez confiance dans votre CI. On a parlé de confiance, on a parlé de qualité. Jusqu'où vous seriez capable d'aller en confiance, en fait. Enfin, c'est vraiment, enfin, votre CI, donc on a dit, on augmente la qualité, on augmente la confiance. Vous êtes allé jusqu'où là-dedans? Est-ce que vous seriez capable de laisser, le logiciel de votre voiture vous conduire parce qu'il y a une CI qui a passé tous les tests? Pourquoi pas? Il n'y a pas Tesla qui le fait déjà? Non, pas vraiment. C'est pas vraiment automatisé de tout et ça te laisse. Mais justement, okay. À votre avis, jusqu'où on peut aller dans la confiance de la CI? Est-ce qu'il doit y avoir une étape manuelle à un moment ou à un autre? Est-ce que vous seriez capable de laisser vraiment genre quelqu'un commit si ça passe les tests, ça passe en prod? Pourquoi pas? Je pense qu'il y a une certaine notion de maturité à avoir. J'imagine que là, j'aurais plus confiance dans la CI de Amazon que dans celle que j'ai mise en place, parce qu'on l'a mise en place à l'arrache en 2 mois. Détrompe-toi pour le coup, vu l'article sur les tools, internal tools de Amazon, mais quand quelqu'un arrive à committer chez Amazon, il a un t-shirt. Wow. Parce qu'il met tellement de temps et c'est tellement compliqué que s'il arrive à committer, il a un t-shirt. Ah, je sais pas pourquoi, moi j'imaginais qu'ils étaient un peu à l'état de l'art de ce qui se faisait, mais je travaille pas chez Amazon. Ouais, bah non, c'est ça tout le paradoxe. Quand je parlais de n'était pas Amazon. non, c'est tout le paradoxe, c'est que non, Amazon en interne n'est pas du tout DevOps, pour plein de raisons en fait qu'on a vu nous dans d'autres sociétés derrière, mais bon, ça, si vous voulez, on mettra le lien en description à un moment... Du coup, ouais, pour répondre à la question, pour moi, c'est un petit peu le même calcul que pourquoi je fais confiance à un avion de ligne, en fait. C'est une question de statistique. Je pense que je rentrerai pas dans un 737 Max de chez Boeing, mais de tous les autres avions, typiquement, si je prends une compagnie validée en France, je suis à peu près sûr d'arriver à destination. Bah pour la CI, c'est un peu pareil. C'est que si la CI fonctionne tellement bien que les devs ont même oublié l'URL et qu'ils la regardent plus, c'est que ça fonctionne vraiment très bien. Après, j'ai un ancien collègue qui me disait très justement, une CI qui est toujours verte, elle sert à rien. Et quelque part, c'est pas forcément faux. C'est-à-dire que ça sert aussi aux devs à retrouver leurs erreurs. Donc, il faut qu'ils aient l'info de quand eux font une erreur. Et c'est justement la CI fonctionne bien à partir du moment où il n'y a que les devs qui reçoivent ces erreurs. Et toi, Christophe, ça va être quoi le niveau de confiance que tu vas pouvoir atteindre dans la CI? Moi, mon niveau de confiance, il est s'il y a beaucoup de tests et s'ils passent, je peux avoir confiance jusqu'à déployer automatiquement en prod. Après, les questions que tu soulèves, sur est-ce qu'on peut faire confiance à une voiture autonome ou autre, pour moi, c'est plus vraiment une question de confiance. Et là, on sort un peu de la technique. Pour moi, c'est des questions libre-arbitre. Est-ce que je vais laisser quelqu'un conduire ma voiture est-ce, enfin, quelqu'un, quelque chose, en l'occurrence, conduire ma voiture, est-ce que je laisse ça à un robot? Ou est-ce que je fais confiance à l'expérience d'un humain qui ne peut pas être apprise par un robot? Et là, je crois qu'on sort vraiment du champ de la CI pour moi. Non, mais c'est un bon, c'est une bonne question en fait que tu poses, parce que en fait, moi je me souviens typiquement que dans certains cas, le déploiement, il y avait des gens qui me disaient non, mais on a appris dans les déploiements et jamais une machine ne pourra avoir notre expérience qu'on a eue sur les déploiements. Seul le développeur peut déployer, ou seul l'administrateur peut déployer parce qu'il connaît les contraintes générales du projet et aucune personne pourra l'avoir. C'est quelque chose, justement, enfin, j'ai souvenir de certaines discussions chez certains de mes clients, mais je parle de ça en 2011-2012, hein, enfin, ou 2010-2011, qui étaient un peu sur la même chose. Après, là, je dis pas que c'est le cas pour la conduite. Et peut-être, la différence qu'on fait, là, c'est la notion de mort et de vie. Mais si jamais on le fait dans le cas des déploiements, c'est, si jamais le déploiement se foire, potentiellement, il y a des gens qui sont virés aussi. Enfin, on pourrait très bien voir qu'un logiciel qui part en vrille et qui commence à leaker tout sur Internet, etc., ou plein de choses, on peut très bien avoir des gens qui sont virés pour ça. Ouais, exactement. Je pense que ce que tu soulèves là, c'est la notion de risque. Et si le risque est trop important, est-ce qu'on laisse la CI et la CD se dérouler jusqu'au bout, ou est-ce qu'on la pose, on regarde ce qui va se passer, et est-ce qu'on la lâche? Et pour moi, cette notion de risque est de risque acceptable, c'est tout de savoir si on le comprend. Je suis entièrement d'accord. C'est en fait la CI et la CD, elles sont mises en face d'un risque. Et juste, je redéfinis le risque, parce que très souvent on me parle de risque et j'en ai marre, on le définit mal. C'est pas que l'occurrence d'un problème, c'est sa gravité également, mais aussi sa détectabilité. Un problème qu'on ne détecte pas, mais qui n'est pas grave, n'a pas d'incidence forte, est tout de même un problème très important, si jamais il reste dans le long terme. Donc voilà, c'est juste un rappel, c'est l'assemblage de ces trois: gravité, occurrence, détectabilité. Ça fait le lien parfaitement au fait que pour chaque projet, on a, enfin, dans la mission actuelle, dans ce gros client, un audit de sécurité systématique. Et dans cet audit de sécurité, il y a justement la séparation des rôles de qui fait le déploiement, qui fait le développement. Et du coup, il y a ces questions en fait de savoir, est-ce qu'on laisse une CI complètement faire de bout en bout le déploiement? Et en général, ça se finit par, en tout cas dans ce contexte-là, à une séparation de pouvoir. Donc, il faut une validation humaine à chaque étape. Donc, il faut qu'un humain lance le process de déploiement, et il pourra pas être automatisé dans notre cas. Et ça, en fait, c'est une gestion de risque, en fait, tout simplement. C'est le risque au sens de l'audit de sécurité. Et donc, comme tu as dit, c'est la probabilité que ça arrive face à la gravité, si ça arrive. Et là, Christophe, tu me parlais de continuous pen test. Oui, en fait, j'ai le même problème chez un client qui reprend notre projet, donc j'ai un projet avec... un projet qui est repris par la DSI du client, et du coup on passe d'une vélocité de rencontre à déploiement par jour, voire plusieurs par jour, à un déploiement toutes les 3 semaines, parce qu'il faut faire des tests d'intégration, des tests des tests d'intrusion par une société externe à chaque fois. Du coup, ça prend longtemps. Et c'est là où justement les tests d'intrusion en continu après le déploiement peuvent avoir leur importance, parce que si on peut déployer en continu, rien ne nous interdit finalement de faire des tests d'intrusion en continu. Et s'il n'y a pas de grosse évolution majeure du logiciel, il n'y a pas nécessairement besoin de faire appel à une équipe ou une personne ou un service externe. Dans le cas d'une grosse évolution, d'une évolution d'architecture, pourquoi pas? Et ça, c'est encore une évolution de travail, je pense. Moi, je ne l'ai encore jamais fait, mais c'est quelque chose que je rêve de faire avec des clients. Je pense que tout ce qui est important dans tout ça, c'est la notion de risque qui est au cœur du truc, finalement, et qui place le curseur de la confiance et du lâcher prise, on va dire, sur à quel point on autorise ou on permet à la CI de faire son boulot tout seul, sans qu'on ait un œil à garder dessus et un bouton à presser pour appuyer pour que ça parte en prod. Et tout ça, c'est un calcul à faire. C'est qu'est-ce qu'on est prêt à accepter, qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour que ce risque il soit mesuré et il soit stable dans le temps, on va dire. C'est un point, en fait, là, c'est que la CI, en fait, elle augmente l'observabilité de notre plateforme. C'est-à-dire qu'un bug, normalement, on le détecte très tôt dans le développement et donc on aura normalement un risque moindre, en tout cas. En fait, on baisse le risque en augmentant l'observabilité via la CI. Et donc, c'est à quel moment, c'est face à une gravité qui est vraiment gigantesque du type mort d'être humain, c'est est-ce que vraiment on arrive à monter l'observabilité de manière assez forte pour pouvoir baisser quand même la gravité? C'est ça le et est-ce que l'humain, à un moment... Et je sais que j'avais un ami qui bossait sur les bandes test des moteurs d'avion. Et c'était ça, en fait. Enfin, c'était, en fait, chaque nouveau logiciel, c'était des semaines de qualification. Je crois qu'il m'avait dit que ça coûtait 40 000 euros, quelque chose comme ça. Chaque version à valider. C'est même pas une version poussée en production. C'est vraiment juste une version qui doit être validée. Et c'est 40 000 euros à peu près juste pour la valider. Et donc là, pour le coup, on a une CI à 40 000 balles à chaque fois. Je pense que je la ferai pas à chaque commit, pour le coup. Oui, mais c'est sûr, c'est vrai que nous, on n'est pas dans ce genre de problématique, donc on se rend pas forcément compte quand t'as des problématiques comme ça de prix et de durée extrêmement longue de CI. On est plutôt dans du logiciel qui impacte pas trop l'humain, donc c'est vrai qu'on se pose pas ce genre de questions au quotidien. Après, quand t'es dans ce genre de milieu, effectivement, tu te poses peut-être plus la question et t'essayes peut-être de plus rationaliser ton usage de la CI. Alors, il y a cette solution-là, ou alors il y en a une autre qui est, c'est un peu, je pense, la solution que SpaceX a fait, qui est en fait de réduire la gravité en permanence des problèmes. Enfin, tu vois, si on prend une entreprise qui envoie des fusées, bon, bah, ils ont eu plein de problèmes, ils ont testé, ils ont résolu au fur et à mesure, ils ont fait juste par apprentissage. Et si jamais demain ils ont des humains qu'ils envoient, bah, en fait, la capsule est capable d'elle-même de se barrer, et en fait, ils baissent la gravité, à la différence d'une navette spatiale, où quand il y avait un problème, il y avait un problème. Ouais. Tu peux aussi avoir cette notion-là où quand tu as des vies humaines mises en jeu, qui est bah tu baisses la gravité d'un échec, en fait, d'une erreur. Tu l'acceptes, mais tu t'apprends à le contrôler, en tout cas. Exactement, ouais. C'est la mitigation de risque, en fait. Oui. On en revient exactement à cette notion de risque où tu disais c'est pas que la gravité, c'est la probabilité et la gravité, en fait. Il y a vraiment les deux notions. Oui, c'est... Et moi, souvent, c'est ce que j'ai vu dans mes précédentes expériences, et notamment quand on fait je me souviendrai jamais de ce nom, un feedback après un post-mortem. Voilà, ce nom est impossible pour moi à retenir. En tout cas, quand on fait un post-mortem, j'ai souvent vu la problème de l'occurrence, c'est-à-dire on veut savoir d'où est-ce que ça vient, il faut être résolu, et on met un test en perspective par rapport à ça. Mais jamais personne ne s'est posé la question de sa gravité. Genre, peut-être que le problème n'aurait pas dû impacter autant la prod ou aurait dû être résolu plus vite. Il y a aussi encore un dernier point qui est le temps de résolution. C'est un problème qui arrive mais qui dure un fraxième de seconde et qui n'a pas d'impact sur le reste des choses. C'est un problème, mais c'est pas forcément un problème. Si jamais il est auto-rémédié, c'est pas un risque. Enfin, c'est pas un risque très important. Par contre, un problème qui n'est pas auto-remédiable, là, pour le coup, devient un problème. Je sais pas si je me suis fait comprendre là-dedans. J'ai rajouté même un quatrième critère au risque, la remédiation possible de ce problème-là et le temps pour y arriver. Mais tout à l'heure, t'as parlé d'observabilité. Je pense que c'est important aussi si tu veux vraiment pousser la confiance au plus loin dans tous tes process de CI et CD. Si tu veux vraiment aller jusqu'au déploiement continu et automatique de ton application, je pense que c'est important d'avoir une observabilité au sens large du terme qui tient la route. Et tu peux même pousser le vice encore plus loin, où si jamais ton truc est déployé et que t'as tes métriques business qui sont bien définies, et c'est là, etc., et c'est lié, c'est l'eau, tout ça, tu pourras même imaginer brancher ton truc dessus, ton process automatique, et si jamais il s'aperçoit que les métriques qui sont importantes pour toi sont part en vrille, en fait, tu peux rollback à la version précédente, et puis voilà, tu peux imaginer des choses comme ça, en fait. Il y a tout un tas de choses qui sont possibles. Ça a l'air tellement bien de bosser avec toi. Hein? Ça ouais, bien. Franchement, ça vend du rêve, là. Ouais, ça, c'est, du, bah, voilà, ça, c'est du rêve. Après, il y a la réalité, malheureusement. Ouais, c'est le problème, ouais. Moi, j'ai une solution, peut-être, à vous proposer. Il y a une chose qui est possible, qui peut améliorer les problèmes, peut-être la solution d'après, qui est donc le feature flag. Le feature flag, en fait, il vient parfaitement en fait dans cette discussion-là, c'est qu'en fait, il baisse la gravité. C'est parce qu'en fait, on a une solution qui n'est activée que pour un jeu particulier de d'utilisateurs. C'est par exemple, je vais activer pour 5% de mes utilisateurs la nouvelle fonctionnalité. Donc ça, c'est une première façon, par exemple, de remédier un peu le risque et d'avoir des tests. Donc j'ai que 5% de mes utilisateurs pas contents, si jamais ça marche pas. Flag slash AB test. Voilà, mais on a même encore un truc qui est encore plus important, qui est quand je déploie et quand je fais mon code, si jamais la feature flag est off par défaut, et ben en fait j'ai plus confiance en moi en fait, parce que ok mes tests passent, mais je suis pas totalement sûr de cette nouvelle fonctionnalité parce que mes tests, j'ai pas une confiance en eux importante. Et ben, je vais quand même déployer. Je vais déployer avec cette fonctionnalité-là, mais cette fonctionnalité-là désactivée. Et en fait, va être activable à la volée par quelqu'un. Et en fait, on a quelque chose, je trouve, d'assez sympa où en fait, le test se fait en production. Le feature flag, c'est vraiment ça. C'est rajoute tel header et tu vas voir, tu auras la fonctionnalité d'activer. Mets-toi un flag dans la base de données et tu verras, tu vas activer telle autre fonctionnalité, etc. Et c'est quelque chose que je vois trop peu utilisé en fait à l'heure actuelle. Je vois dans Chrome, qui adore les feature flags et je trouve ça vraiment génial. Dans plein d'autres choses, Google en utilise, en veux-tu, en voilà. Et c'est quelque chose que je vois pas assez utilisé en fait dans les CI. Et ce côté un peu. En fait, je trouve que ça enlève un peu le côté genre je merge et, ben, et je prie. Et je prie. Et je prie que mes tests soient bons. Quelque chose où, tant que je ne l'ai pas déployé en prod, je ne sais pas si mes tests sont les bons tests, en fait. Alors que là, en fait, on pourrait très bien avoir quelque chose où, si jamais moi j'active le flag, ça fait sauter le serveur. Oui, mais je suis tout seul, donc ça a fait sauter sur une requête et ça a fait sauter un serveur. On peut imaginer que le système en dessous a fait du recovery dessus, mais j'ai été tout seul à faire sauter le serveur en production. Et c'est assez peu utilisé, malheureusement, et ça peut enlever l'espèce de pression qu'on garde encore sur la confiance dans nos tests dedans. Je sais pas ce que vous en dites. Ouais, je suis d'accord avec ça. Et c'est marrant que t'en parles parce qu'on est exactement en train de mettre ça en place dans ma boîte, justement. Un truc de feature flag pour pouvoir pousser des trucs et les activer à la volée, à activer ou désactiver à la volée. Oui, je dois avouer qu'on a un retour d'expérience similaire et c'est vrai que c'est vraiment très agréable. Moi, le seul problème que j'ai avec ça, c'est qu'on fait tous les efforts possibles pour pousser de l'infra immutable et le feature flag, dans ce cas-là, il fallait se connecter en SSH. Mais enfin, c'est pour pignolier parce que vraiment, ils l'ont fait propre. C'est vraiment une commande à lancer. Ça se passe plutôt bien. Mais voilà, c'était la seule critique que j'avais là-dessus. Après, quand je l'ai proposé à d'autres projets, la réponse qu'on me fait régulièrement, c'est le « oui, mais il faut demander un truc au dev et donc ça coûte cher ». Mais bon, ça après, c'est aussi des questions, ça dépend du client, quoi. C'est ton contexte là, pour le coup, qui règle, enfin qui fixe un peu le besoin là-dessus. Voilà, c'est un contexte particulier où les équipes de dev sont souvent externes et avec des équipes externes, un développement supplémentaire, ça se traduit en un devis supplémentaire. Donc la question n'est pas que technique et ça complexifie beaucoup les choses quand les questions ne sont pas que techniques. Mais je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Tu veux dire humaine et financière ? Ouais. Entre autres. Entre autres. En fait, je connais que ça, mais ouais. Ouais. Christophe, t'avais d'autres exemples ? Pour le feature flag, moi, je me demande aussi pourquoi c'est pas aussi répandu. Je me demande si c'est pas un coût de développement supplémentaire pour les devs, si ça leur demande pas beaucoup plus de travail. Et je me pose aussi la question du, et le coût en temps machine, est-ce qu'il a un impact sur l'observabilité ? Ce qu'on peut faire aussi, c'est au moment où on déploie, on peut notifier ces serveurs de supervision. Déclencher un événement et comme ça, s'il y a des alertes sur l'utilisation de CPU, sur l'utilisation de mémoire, etc., on peut voir si ça a un impact direct lié au déploiement qu'on vient de faire. Donc là, en fait, c'est quelque chose a posteriori. On a au moins la visibilité de ce qu'on a fait, en fait. Ça, c'est intéressant, ça te permet de faire de la corrélation d'événements. C'est genre, je sais que j'ai déployé à tel moment et j'ai des problèmes, pardon. J'ai commencé à avoir des problèmes juste après. Donc peut-être que, en fait, c'est mon déploiement qui a tout fait foirer, quoi. Bah, je pense qu'on a pas mal évoqué tous ces sujets-là. Je sais pas si ça vous va là-dessus. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre d'ultra important que vous avez pas dit et là qui vous revient magiquement en tête ? Si, moi, j'ai un truc qui me vient en tête. C'est Un retour d'expérience après avec l'usage de Travis et ce genre de, d'outils qui peuvent être mis à disposition, c'est que de temps à autre, je suis arrivé à l'état où l'image, le builder Travis, était trop pimpé par le service de delivery. C'est-à-dire qu'il me fournissait des outils que des fois les développeurs, du coup, supposaient qu'ils étaient là et leur existence en mode « Ouais, vas-y, pas de problème, ça, c'est FPM s'est installé, le Docker Compose s'est installé dans telle ou telle version. » Et du coup, toutes les commandes qu'il y avait dans le Travis YAML, ils étaient incapables d'exécuter la même chose sur leur poste. Donc, par exemple, t'avais ton Travis qui te sortait une erreur et t'es là en mode « Ok, super, la CI me dit que ça marche pas, mais j'ai aucun moyen de pouvoir reproduire le problème chez moi. » Et donc, l'un de mes toutes premières actions et tout premier chantier que j'ai entrepris quand je les ai rejoints, c'est de dire « Non, il n'y a pas moyen, tout ce que la CI exécute, on est capable de le faire en local. » Et je vous invite d'ailleurs à le faire en local avant de pousser sur la CI. Parce que ça aussi, c'est un petit effet des fois que je trouve, moi, un peu pervers, mais c'est faut pas généraliser. C'est des gens, des personnes, y compris moi, de temps à autre, qui ne prennent plus le temps de tester en local et qui push. En fait, je fais une ligne de code, je contrôle, je commit, je push, et j'attends que la CI, elle pleure. Parce que je suis incapable de tester en local. Et ça, c'est un comportement que j'aime pas trop. Donc moi, maintenant, je m'efforce toujours de faire en sorte que toutes les commandes qui puissent y être dans ce Travis YAML, pour, en gros, c'est qu'un script d'enchaînement de commandes. Mais toutes ces commandes-là doivent pouvoir être exécutées sur le poste de développement. Et tu fais ça comment ? Je wrappe absolument tout dans des conteneurs Docker. Ah oui, voilà. Mais ça a été ça m'a sauvé la vie une ou deux fois parce que justement ce fameux worker Travis avait fait une upgrade sur le Gradle, sur le FPM ou sur l'environnement Ruby et c'était eu. Et maintenant en fait ce qu'on a c'est qu'on a un repository qui est un submodule de tous nos projets. Et ce projet-là, lui, il embarque des wrappers qui dit, ben voilà, Gradle, en fait, c'est Docker run telle image avec tel volume qui va bien. L'autre effet assez intéressant qu'on a, c'est que les images, en fait, on les pine, on n'est pas sur du latest. Et vu que c'est un submodule que tout le monde met à jour systématiquement quand il fait un git pull, et ben quand, par exemple, moi, je mets à jour et je dis maintenant, on utilise telle version de logiciel, bah le prochain pool de dev, forcément, tout le monde utilise la mise à jour de ce logiciel-là. Et ça évite des fois des problèmes, les fameux pepcac. Je comprends pas, ça marche pas sur mon poste. Bah pourtant, ça marche sur le mien. Et en fait, c'était une mise à jour d'un outil que tu utilises qu'une fois tous les 36 et qui était pas à la même version. Ça a aussi ce côté-là. Et l'onboarding aussi est ultra rapide maintenant. Puisque Docker a aussi le bon goût de faire un pull automatiquement quand tu fais un run d'une image qu'il a pas. Nous, on a onboardé récemment 5 personnes en une semaine grâce à ça, parce que les mecs, ils faisaient un git pull, un eval d'un script qui te mettait ton pass dans le sous-répertoire, puis après, ça appelait le wrapper qui faisait un docker run, et ça retéléchargeait tout à la volée quand ils en avaient besoin, et tout fonctionnait. Et là, t'avais la promesse de Docker, build it, run it everywhere. C'est effectivement un très bon point. Non mais c'est oui, c'était quelque chose tout à l'heure, c'est vrai qu'on est parti dans les Travis etc, dans le repository driven, la troisième génération je dirais, donc dans Travis, au début c'était du Travis.yaml où on utilisait une box AE, c'est vrai que maintenant en fait j'ai cherché en fait un peu là des CI qui n'utilisent pas de box Travis, de box YAML, de box, oula je vais y arriver, de box Docker, et ben j'en ai pas trouvé. Maintenant ça devient le standard en fait quasiment de l'industrie qui est une CI, c'est des commandes à exécuter dans un Docker. Bah, comme Docker. Après un git clone. Ouais, comme Docker a également permis la démocratisation des microservices. Avant, justement, c'était tellement chiant, les dépendances, d'installer un OS avec tous tes services, que tu faisais pas autant de petits services. Non, le fait de pouvoir tout shipper rapidement, ça. Si, ou alors, ce qu'on faisait, on le faisait dans un seul langage. Et donc, tu avais au sein de ton langage un premier dossier avec le projet A, un deuxième dossier avec le projet B, etc. Et tout le monde partageait le même runner. Et c'était notre façon de faire du découpage en services. Mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus de services, de CI as a service. Et avant, Travis, c'était le premier. Et pendant très longtemps, c'était le seul. Et ensuite, grâce à l'avènement des conteneurs, tu as eu Drone. Après, maintenant, même CircleCI, c'est tout dans des conteneurs. Concours, c'est tout dans du conteneur. GitLab CI, que dans des conteneurs. Exactement. C'est tout ça, c'est un mot-clé, c'est la reproductibilité, au final, que tu cherches à atteindre. Tu veux que ce que tu exécutes sur ton poste, sur n'importe quel CI, ce soit toujours la même chose. Et au final, c'est ça, c'est juste des conteneurs que tu vas exécuter qui auront toujours le même environnement et non pas un truc que tu auras réinstallé from scratch à chaque fois avec des versions de lib différentes, et du coup t'es pas sûr que ça va pas créer des effets de bord, etc. T'auras toujours exactement la même chose, et c'est ça qui est super important. Ok, bah, c'est vrai qu'il y a encore plein d'autres choses à parler quand on peut parler comme ça de CI. Tu disais reproductibilité, il y en a même certains qui essayent d'aller jusqu'au binaire perfect, faire en sorte que deux runs de CI arrivent au même artefact, au bit près, à l'octet près. Donc ça, c'est encore un autre truc. Je ne vais pas aller là-dedans, mais si jamais vous voulez vous renseigner là-dessus, commencez à y aller. Regardez aussi des systèmes comme Nix, qui sont pas mal justement pour arriver à ça. Donc je vous tease un peu là-dessus. Je n'ai pas assez d'expérience et assez d'expertise là-dessus pour vous aider. On va s'arrêter là sur le vaste univers des CI et des CD. Je tiens d'abord à remercier Christophe parce que c'était ta première avec nous. Woot woot. Merci. Donc, merci à perdu. Vous. Et à distance en plus. Donc, ouais, voilà. Donc là, on va voir là pour le son. Donc, on essaiera d'améliorer si ça jamais, pour la prochaine fois. Ouais. Désolé si jamais le son là était pas parfait. Voilà, on expérimente, on teste. La gravité est pas trop importante. Vous voyez, on a ségrégué le problème à un intervenant sur cinq. Hein. Désolé pour toi, mais... Tu es notre AB test du jour. Merci, Christophe. Ça fait 20% quand même. Bah, c'est un gros AB test. Et puis merci à tous de nous avoir écoutés. Si jamais, donc je pense le mois prochain, en tout cas prochain numéro, il sera sans doute sur Kubernetes, dans ton cube. Si jamais vous voulez participer, n'hésitez pas à venir sur le Spectrum, dans les commentaires YouTube, à venir nous voir en live, n'importe où on se trouve, à la pause café, ce que vous voulez. Venez nous voir, venez participer, parce que vraiment, on veut avoir vos expériences différentes. Vous avez eu des contextes et toute expérience est bonne à prendre, pour le coup. Vraiment, c'est le cas. Donc, prochain, sans doute, sur Dans ton cube. Et puis, la fois d'après, encore un DevOps sur un sujet qu'on définira. Donc, venez même aussi discuter pour définir le sujet, ce qui vous intéresserait, dont on pourrait parler, ou même ce dont vous voulez parler directement. Voilà. Eh bien, merci à tous. Merci le live, les gens qui nous ont suivis. Et puis à une prochaine. Salut. Bientôt. Ciao, ciao.